Dame, dame, mon chat splash, j'suis sur mon lit, à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vu débris, mais j'ai dû dormir.